Outre Brazzaville, quels sont, Elika Mbokolo, les événements qui vont déclencher, voire accélérer cette marche vers l'indépendance? Dans la période qui s'ouvre à partir de 1944-1946, on assiste à toute une série de d'événements souvent très troublants. Certains de ces événements ont lieu en Afrique même. C'est la création du RDA, le Rassemblement démocratique africain, en 1946. C'est la crise de Suez en 1956. C'est bien sûr le vote de la loi cadre Gaston Defferre également en 1956. Et c'est évidemment la longue, très longue guerre d'Algérie, commencée en 1954 et qui se termine seulement en 1962. Et puis d'autres événements surviennent hors d'Afrique, mais avec des conséquences importantes sur le continent. La guerre d'Indochine et la défaite française à Dien Bien Phu, et évidemment la conférence de Bandung qui se déroule en Indonésie. Prenons-les dans l'ordre et commençons par le Rassemblement démocratique africain, le RDA, dont la création est évoquée ici en 1986 par l'un de ses créateurs, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny.